Grand 3. Au jour, un jour presque aussi gris, aussi triste que la nuit, nous pûmes aller répartir les vivres entre les escouades, puis nous étendre un peu, pendant que nos camarades préparaient la soupe sur les fourneaux improvisés le long des maisons. Elle fut vite absorbée, car le canon et la fusillade avaient tôt battu leur appel. Les Allemands, surpris de se heurter contre une armée en bataille, quand ils espéraient n'avoir qu'à ramasser des traînards débandés, avaient reconnu la nécessité de redoubler leurs coups. Avec l'assentiment du grand état-major de Versailles, le prince Frédéric Charles ralentissait la marche des troupes dirigées sur la rive gauche de la Loire, pour qu'elles puissent seconder les efforts du grand-duc de Mecklembourg. Et le premier corps d'armée bavarois, appuyé par la 22e division prussienne et la 4e division de cavalerie, allait tenter de rompre nos lignes. Dès 8 heures, l'attaque se produisait violemment contre la division Colin, du 21e corps à notre gauche. Le général de Roquebrune se dirigeait alors sur Cravant, et notre division recevait l'ordre de se porter en soutien sur Cernay, le poétique petit village à la ceinture de vergers. En avant d'Origny, le bataillon se forme, sous les ordres du capitaine David. La barbe blanche et le tremblement de tête de cet homme de haute stature donnent une autorité singulière au commandement qu'il articule d'une voix ferme, avec une énergie juvénile. Sac au dos, les rangs étaient formés. Le vieux capitaine s'apprêtait à crier en avant, lorsqu'il nous arriva un renfort inespéré. Le lieutenant Barta, M. Houssine, les sergents Gouzy, Naréval et une trentaine d'hommes nous rejoignirent enfin. Ils revenaient de mer jusqu'où ils s'étaient égarés. Quelques minutes plus tard, et nous allions au feu sans eux. Mais parce que nous ne les avions pas suivis, ils songeaient à nous gourmander. Tant est irrésistible l'envie d'accuser autrui quand soi-même on ne se sent pas sans reproche. Ma situation aurait sans doute été pénible sans la présence de notre capitaine. Le sous-lieutenant Houssine eût été heureux de me chercher chicane, mais il était gêné d'avoir à s'en prendre en même temps au sergent-major, à Villiot et à Laurier. Au surplus, M. Hénard n'était pas homme à encourager les mauvaises plaisanteries. Il coupa court à des récriminations un peu grotesques et tout à fait oiseuses. La compagnie se reconstitua à l'effectif respectable de 180 hommes, et formé en colonne par section, le bataillon se dirigea vers la partie du champ de bataille qui nous était assignée, au nord d'Origny, à 2 kilomètres environ. Durant notre marche assez pénible dans des champs labourés ou à travers des vignes hérissées de tuteurs et de ceps rampant sur la terre et sous la neige, nous pûmes causer un peu, Naréval et moi. Soit que les étapes supplémentaires l'eussent fatigué, soit qu'un fâcheux pressentiment le troubla, il manquait de cet enthousiasme que, dans le trajet de Perpignan à Angers, je m'étais plus de 9 fois efforcé de modérer. Le décor n'était point fait, à la vérité, pour réchauffer le cœur. Le sol était dur et glissant, la neige nous glaçait, et l'idée d'être couché là pour ne plus se relever nous faisait malgré tout passer un frisson dans le dos. Une steppe blanche à perte de vue, à peine si la silhouette des fermes et des villages tranchait sur cet horizon pâle. Dans les hameaux que nous côtoyons, les jardins étaient déserts, les basses cours silencieuses, pas un nuage de fumée au-dessus des toits, comme l'avant-veille. Les récents combats avaient chassé tous les êtres vivants et fait de cette plaine une immense nécropole. Seule la lueur des décharges, leur détonation, à droite et à gauche, rompait la morne tristesse de la nature. La vie ne s'y révélait que par le jeu formidable des instruments de mort. Les 2 premiers bataillons du 48e, cantonnés dans le village d'Oursel, nous avaient devancés sur le terrain. Dessus n'est pas le mot, dedans serait plus exact, car nous les trouvâmes en position dans des tranchées-abris, pratiqué au milieu des champs, entre Origny et Villejouan. L'esprit français trouva, dans cette circonstance, l'occasion de s'exercer, malgré la gravité du moment. « Ils seront bien gênés pour courir, » disait l'un. « Parbleu, » ajouta un autre, « ils font déjà le pas gymnastique sur place. Quoi donc ?» Le fait est qu'ils tâchaient de se réchauffer les pieds. « Ils s'enterrent avant d'être tués, » conclut un troisième. « Plaisanterie macabre, non sans à propos. » La plupart de ces ouvrages de défense devaient abréger, après la bataille, la triste besogne des infirmiers. Beaucoup d'hommes furent déposés dans les fosses qu'ils avaient aidés à creuser la veille. Tout en les plaisantant, nous serrâmes, en passant, la main aux camarades, que peut-être nous ne reverrions plus. À ce moment, un roulement sourd, comparable à l'écho affaibli de coups de battoir précipités, se fit entendre vers l'ouest. Dans la brume de l'horizon se profila bientôt, tranchant sur la blancheur du terrain, un groupe irrégulier et mouvant de cavaliers, qui venaient de jaune. Ils s'avançaient au trot, mais ralentirent leur allure pour passer en revue nos 2 premiers bataillons. C'était l'état-major de l'armée. Le général Chanzy parcourait le champ de bataille, s'assurant partout de l'exécution de ses ordres, et veillant à la bonne tenue des troupes. Il montait un cheval arabe à longue crinière, sans doute celui que nous avions entrevu dans la froide nuit du 1er au 2 décembre. Alors, dans la force de l'âge, le vainqueur de Coulmiers tenait droite sa tête fine, aux moustaches effilées, aux sourcils froncés légèrement. Sauf ce dernier signe de perpétuelle réflexion, sa physionomie martiale respirait la confiance et le calme. La journée de la veille, les engagements du matin justifiaient cet état sérieux d'une grande conscience en repos. Qu'il fût battu, Chanzy avait du moins tenté tout ce qui était en son pouvoir. Mais il semblait croire sincèrement à la victoire. Il communiqua son espoir à ceux de nos camarades qui occupaient les tranchées. En passant, il leur promit la revanche. Cette figure, animée du plein éclat, que donnent les grandes responsabilités courageusement acceptées, contrastait avec l'air fatigué des aides de camp, surmenés nuit et jour. Ces jeunes têtes pâles émergeaient à demi du col des pelisses fourrées, autour du visage austère du général Guillemot, que semblait allonger encore sa barbiche blonde. Cependant, déployé en ligne au commandement du capitaine David, notre bataillon poursuit sa marche vers son objectif, Cernay. L'ambition de tous, la préoccupation de chacun, est de ressembler à cet ancêtre, qui, calme et froid, digne, montre le chemin, 30 pas en avant du front de bataille. Le colonel Coq, accompagné du commandant Bourrel et d'un officier d'ordonnance, vient diriger en personne l'action de sa brigade. Il nous rapproche du village, pour nous abriter derrière les maisons, en attendant qu'il nous emploie. 4 chasseurs le suivent. Leurs manteaux blancs servent aussitôt de point de mire aux artilleurs allemands. Une volée d'obus part des batteries braquées entre Cravant et Beaumont. Ils bourdonnent au-dessus de nos têtes et vont tomber assez loin derrière nous. L'état-major se déplace, tantôt à droite, tantôt à gauche. Les projectiles le suivent, sans l'atteindre encore. Alors le colonel se décide à éloigner son escorte, inutile pour le moment. Les cavaliers prennent le trot, mais ils ne sont pas à 200 mètres qu'un nouvel obus va éclater entre eux, et 2 roulent à terre avec leurs chevaux. Quelques éclats viennent se loger dans nos havresacs ou bossuer en clignotant les marmites et les gamelles. Petit insignifiant épisode. Plusieurs maisons nous masquaient le coin le plus chaud du champ de bataille. Mais un vacarme incessant nous permettait d'apprécier l'intensité de la lutte, crépitation de la mousqueterie, grondement des canons ou grincement strident des mitrailleuses, se combinait avec une sorte de long mugissement ininterrompu, qui était le cinglement de l'air par tous les projectiles. À notre gauche, nous apercevions un régiment de mobiles qui criblait de feux de salve les positions de Cravant. Une batterie postée à notre droite tirait aussi sans relâche, et ces feux convergents étaient bien dirigés. À l'est de Cravant, dit le rapport allemand, les 5 batteries bavaroises les plus rapprochées du village durent, à la suite de pertes énormes, se retirer en dehors de l'action de l'artillerie française et des chasse-pots.